Viens, viens, petite chenille, glisse, glisse, glisse sur mes reins. Viens, viens, petite chenille, installe-toi serein et caresse de tes mille pattes mes rainures adéquates. Adéquate. Viens.